Luciola par Henri de Lacretelle, chapitre 1er. Venise dormait au bruit des flots qui baignaient ses pieds de marbre. Les lumières des quais des Schiavoni, des fenêtres de quelques palais encore habités, de la Dogana di Mare et du Rialto, avaient cessé de se refléter dans le grand canal. Plus personne dans les calais, ces ruelles où bourdonne la population vénitienne. Plus de guitaristes à Saint-Marc, plus de cris de gondoliers au coin des canaux. Les cloches des 300 églises étaient silencieuses. Les femmes ne causaient pas. Les pigeons étaient blottis sur le dôme. Pas une lanterne, pas une étoile, pas une chanson, pas une rame. Il pleuvait, chose odieuse et inutile, la pluie dans la mer. Pourtant, il prit fantaisie à un jeune voyageur, qui néanmoins n'était pas poète, d'ouvrir ses volets sur ce ténébreux désert. Il logeait à un rez-de-chaussée en face à Santa Maria della Salute, dans un palais qui, depuis la veille, était devenu une auberge. Nous devons déclarer qu'il ne se livra à aucune méditation sur la décadence de la ville qu'il recevait, et qu'il ne regretta rien des traditions du passé que le carnaval et les courtisanes. Il avait passé la soirée au café, à côté de deux officiers croates, dont il avait aisément pu suivre la conversation car ils n'ouvrirent pas la bouche. Ses regrets avaient au moins l'excuse de l'opportunité. On était en février. Toutes les capitales de l'Europe se renvoyaient leurs fanfares, et Venise n'avait pas une heure de distraction à offrir à un étranger dont les poches étaient pleines d'or et les mains libérales. Il allait rentrer dans son appartement, lorsqu'une lumière qui s'avançait du fond du grand canal le retint à son balcon. C'était une gondole écartant lentement les flots et apportant la modulation, d'abord lointaine et confuse, d'une chanson qui se rapprocha peu à peu. La démarche de la gondole, si l'on peut dire ainsi, était légère et capricieuse. On y sentait la main d'une jeune fille. Bientôt, en effet, le voyageur put distinguer, au reflet de la lanterne posée sur le cou de cygne, des formes féminines et souples qui se penchaient sur la rame. La chanson et le mouvement venaient de la même personne. La batelière était seule. Sa voix, mêlée au bruit de l'eau contre la barque, avait des vibrations limpides et sonores. Elle berçait et cadençait l'aviron. Mais à mesure que la chanteuse faisait avancer sa gondole, elle retenait sa voix. Il y eut même un moment où elle sembla avoir rencontré des larmes, et la romance ne fut plus qu'un soupir. La frêle embarcation rasa les bords du vieux palais. Quand elle fut parvenue au petit canal qui va du côté de Saint-Marc, elle tourna brusquement à l'angle du mur et tout disparut. Le sillon de la barque, la réverbération de la lumière sur le flot, la douce chanson, s'éteignirent en même temps. Le rêve était fini. C'était bien un rêve, en effet, pour le voyageur penché sur sa fenêtre. Des formes entrevues, des paroles devinées, un rayon douteux, rien de plus. Mais ses apparences avaient suffi pour le charmer. Il lui avait semblé que ce pur profil qui passait sous ses yeux était ce type divin que les grands poètes et les grands peintres soupçonnent une fois en leur vie dans le court mirage d'une inspiration transparente, mais qu'ils ne réussissent jamais ni à chanter ni à peindre. Ses cheveux noirs dépliés sous le vent, cette main blanche dans la nuit, cette taille dont la délicieuse finesse se courbait et se redressait avec la rame comme dans le mouvement d'une danse onduleuse, cette voix claire sortant des sources les plus cristallines du cœur, ce mépris du froid et de la pluie, tout cela était mystérieux, triste et fugitif comme un rêve perdu. Nestor, le voyageur s'appelait ainsi, s'égara pendant quelques instants dans sa contemplation devenue idéale. Il se pencha sur le balcon pour essayer de voir dans le canal où la jeune fille avait disparu. Il tendit les bras comme pour saisir la vaporeuse apparition. Enfin, après quelques minutes de regrets indéfinis, il secoua sa blonde tête comme s'il avait pu chasser cette image. Il referma sa fenêtre et il espéra, en abaissant les lourds rideaux de velours, ne plus voir le fantôme qui le poursuivait. De même qu'on n'aperçoit plus les acteurs quand la toile est tombée. La chambre qu'il occupait était vaste et imposante. Les boiseries de vieux chêne curieusement sculptées donnaient au mur une physionomie mystérieuse et claustrale. D'antiques portraits, de cette école vénitienne si éclatante, regardaient au-dessus des portes et on distinguait, à la teinte plus fraîche de quelques panneaux, que des panoplies avaient été récemment enlevées. Au-dessus d'un écusson, on voyait vaguement la silhouette d'un navire. Le grand mât se perdait dans l'immensité de l'ombre, et aux reflets vacillants des deux flambeaux allumés sur une table, il semblait parfois que le navire s'agitait comme s'il eût été bercé par le roulis. Cette chambre avait-elle été habitée par un doge? Elle en était digne. Nestor vint s'asseoir sous une merveilleuse glace de Venise surmontée d'un écusson. La tête du jeune homme se perdait entièrement sous le dossier d'un fauteuil gothique. Nous n'avons que deux mots à dire de lui. Il se fera connaître en paroles et en actions. Il était beau, riche, distingué par sa nature, à laquelle l'éducation n'avait presque rien ajouté. Il avait une grande inexpérience en fait d'art et de poésie, et encore moins de remords que de savoir. Sa vie avait été jusqu'alors une étincelante fête, sans fatigue et sans lendemain. Libre et inconstant, le charmant et prodigue ignorant voyageait pour changer d'horizon, pour goûter à tous les fruits, pour effleurer toutes les femmes. Il n'avait jamais fait de mal parce que son cœur était honnête. Il avait fait peu de bien parce qu'en toute chose il se bornait à des ébauches, mais il était hardi, franc et gai. Ses maîtresses le regrettaient, et elles le regrettaient toutes, car le frivole enthousiaste glissait dans leurs bras comme une onde. Nestor rêvait donc s'endormir pour la première fois de sa vie. Il rêvait à la fugitive batelière qui avait emporté dans sa capricieuse gondole le seul de ses désirs qui n'eût point été satisfait. Ce jeune conquérant des faciles amours en voulait à la belle fille qui n'avait pas compris que ses deux mains se tendaient vers elle. Il en voulait au flot qui avait emmené la barque, à la nuit qui avait empêché que son regard fût deviné. Mais cette impression allait s'effacer dans la légère transparence de sa frivole imagination, car le souvenir n'a des images que pour les cœurs éprouvés, quand il entendit dans la boiserie un léger frôlement. Il leva les yeux vers la glace qui était au-dessus de lui, il vit un panneau s'entr'ouvrir, et la charmante vision de son rêve se présentait en réalité devant lui. C'était bien elle, avec son corsage noir et le nœud rouge qui entourait son cou. Elle referma le panneau, et sans paraître effrayée de la lumière, elle vint s'accouder pensivement sur le haut fauteuil dans lequel Nestor était enfoui. Le jeune homme, sans se rendre compte de la surprise, et n'acceptant que le bonheur, se leva et s'agenouilla devant la tête raphaélique qui se penchait sur lui. À cet instant, et comme si seulement alors elle eût compris, la jeune fille poussa un cri et recula pour s'enfuir. Mais Nestor, l'enlaçant d'un de ses bras, la ramena et pencha ses lèvres pour baiser son front. Elle se déroba à lui, et dans sa faiblesse et son épouvante, elle retomba sur le fauteuil. « Oh ! » s'écria-t-elle en parlant en pur italien. « Je ne vous savais pas ici, Seigneur, pardon. Depuis longtemps, cette chambre n'avait plus d'hôte. Bénie soit la douce visiteuse qui entre par le mur, comme la lumière entre par la fenêtre, » répondit Nestor, dans la même langue. « Votre Venise est la ville des fées. Par Dieu, ma belle gondolière, je permets qu'on arrive, mais non qu'on sorte. » Et il fit pour la retenir un mouvement qui aurait pu passer pour une caresse. Mais elle le regarda avec une si digne réserve qu'il comprit que toute audace serait brutalité et qu'il s'arrêta dans une contemplation muette. Elle reprit en souriant tristement. « Vous êtes donc venu par la nuit profonde? Vous avez choisi pour asile le vieux palais de mon père? C'est bien. L'hospitalité est une des lois de notre famille. Je vous accueille avec joie car vous me paraissez noble et étranger. » Je tâcherai qu'il ne vous manque rien, mais vous pardonnerez à l'insuffisance de ma pauvreté. » La surprise de Nestor fut prodigieuse en entendant ces étranges paroles. Cependant, il réfléchit un instant, se rapprocha d'elle, et lui dit, après avoir ri lui-même de sa stupéfaction naïve, « Ah, je comprends. Vous êtes la fille du seigneur Brighella, mon hôte. Ma foi vous justifie admirablement son enseigne, la Stella. » Elle se mit à rire à son tour, mais avec un dédain, qui serra l'une contre l'autre ses deux lèvres de pourpre. Puis elle prit un des flambeaux et le porta contre un des portraits suspendus à la boiserie. « À qui cela ressemble-t-il » dit-elle. « Mais autant qu'une barbe grise peut rappeler des cheveux noirs, et une tête d'empereur, un front d'ange, ce portrait vous ressemble. » Elle replaça la bougie et répondit avec une nuance de tristesse et d'orgueil. « Eh bien, c'est mon aïeul paternel. » Et ce palais était à ses ancêtres depuis 12 générations. De sorte que je suis ici, chez moi, répondit-elle en faisant un geste gracieux. Oui, continua-t-elle, dans les barques, sur les ponts, à Saint-Marc, ils se mettent tous à rire quand je parle ainsi. Mais vous comprenez, vous, Seigneur, que tant que ce vieux toit ne sera point tombé à la mer, il appartiendra à la fille de ceux qui l'ont bâti. Est-ce que l'histoire de ma famille n'est pas écrite ici, pierre à pierre? Est-ce que ce palais ne nous a pas été donné par la République? Est-ce que ce lit n'a pas vu naître et mourir des doges? Est-ce que ces flots qui coulent en bas ont emporté les souvenirs et les images du passé? Est-ce qu'on peut faire que la maison ne soit pas dans l'histoire comme le nom? Oui, vous êtes chez moi. Ils ont cru qu'en me faisant insulter à la porte, ils m'empêcheraient de venir ici tous les soirs, dans cette chambre, toute pleine encore des derniers soupirs de mon père. Mais la vieille demeure s'ouvre d'elle-même devant les pas de l'enfant. Je sais quels sont les murs qui ont des escaliers, et par quel canot souterrain les gondoles rentraient quand les doges revenaient du conseil. Croyez-moi, ce palais m'appartient comme la mer appartient à Venise, comme le nid à l'oiseau, comme la voile au vent. Soyez-y le bienvenu. La pauvreté en a chassé, on l'a vendu à l'encan, mais il est à moi devant l'histoire de la République et devant la justice de Dieu. Qu'elle était belle en parlant ainsi. Comme sa noble et jeune tête se relevait fière et souveraine. Comme Nestor, ne cherchant plus à la comprendre, s'enthousiasmait devant cette triste et dédaigneuse folie. Sans analyser ses impressions, sans savoir s'il rêvait ou s'il veillait, il subissait avec passion l'irrésistible. « Qui que vous soyez, lui dit-il, j'ai besoin de savoir votre nom, pour le rattacher à la plus grande émotion de ma vie. On vous appelle Luciola, répondit-elle. C'est un nom ridicule quand la gloire de la famille est éteinte et quand il est porté pour une obscure fille comme moi. C'est un nom charmant, répondit Nestor. Vous le comprenez donc, vous? Lorsque mon père me l'a donné, il m'a dit « Sois la luciole qui brillera dans la nuit de notre ruine, sois la lumière qui étincellera de seconde en seconde dans l'obscurité de Venise, sois le phosphore de nos bagues désertées. Hélas, je ne suis rien de tout cela, mais je cours la nuit dans les canaux avec la chanson de mon cœur et la lumière de ma gondole. Je jette un écho et un reflet à nos monuments qui tombent. Je connais ma ville natale comme le vent connaît le dôme de Saint-Marc. Je vous la montrerai, si vous voulez, Seigneur. Ce sera ma manière de vous payer l'hospitalité de Venise. Demain matin, ma barque sera à la porte d'eau. Maintenant, pardon de nouveau, pour être venu vous troubler avec mes souvenirs. » Elle s'avança vers la boiserie où, appuyant sur une fente imperceptible, elle ouvrit une porte qui donnait sur un escalier au-dessous duquel on entendait battre le flot. Mais déjà Nestor était trop enchanté de sa mystérieuse aventure pour laisser partir seule cette étrange jeune fille. Il courut après elle, et l'arrêtant respectueusement cette fois, il lui dit d'une voix suppliante « Oh, donnez-moi dès ce soir cette petite place dans votre gondole. Avant de vous avoir vu, je détestais Venise. À présent, je l'adore. Laissez-moi la voir sous votre regard. Je ne vous quitte pas. Et quand je devrais vous suivre à la nage ?» Elle hésita un instant, puis, rassurée sans doute par l'heureuse et honnête figure du jeune voyageur, elle lui répondit en souriant « Êtes-vous sage ? Sage comme le respect, et religieux comme l'adoration. Avez-vous peur la nuit ? Oui, quand je suis seul, répondit-il. Êtes-vous patriote ? Depuis qu'on me tracasse pour mon passeport. Alors suivez-moi, et prenez ceci pour vous guider dans les ténèbres. » Elle dénoua le ruban rouge qui flottait autour de son cou, en garda un bout dans sa main, et tendit l'autre à Nestor sans s'apercevoir qu'il y posait les lèvres. Ils arrivèrent au bas de l'escalier où la gondole était attachée. Luciola s'élança par un gracieux mouvement, Nestor la suivit avec un peu moins de hardiesse, et ils partirent.